cadena es the way. Ay, ay, ay, ay. What's up? Mandel la cause augmente, Mandel prend le monopole autant que le contrôle inédit que nous vont perdre le contrôle. Parfois mérité, la plupart du temps abusif, par croire que des bâtards kiffent nous voir sur le banc des accusés. Chaque fois qu'on cherche un taf, pourquoi ça refuser? Discrimination, racisme, main de balle, putain c'est abusé. Personne ne sait de quoi demain sera fait. C'est pourquoi certains investissent dans l'illicite pour du profit. Ni ne s'y retrouve qu'avec un seul salaire de SMIC. Car t'as pas de vacances, t'as pas de sortie, tu mènes une pauvre SMIC. On voit pas la vie comme ça, man, nous on veut kiffer. On préfère faire du vice parce qu'entre nous y'a que ça kiffer. Quitte à sortir équipé, on s'en bat les couilles des conséquences. On prend des risques et ça depuis petit peu. Tout ça pour espérer mener une vie de rêve au soleil. Mais malheureusement trop d'entre nous finissent à l'ombre. Trop jeune, toi qui as la tête dans les étoiles. Trop jeune pour espérer demain mettre les voiles. La vie ne te laisse pas le choix, petit, prends soin de toi, garde l'espoir. C'est à toi de trouver ta voie, ne baisse jamais les bras pour ta victoire. Laisse pas traîner ton fils, ton fric, ni ton shit. C'est ambiance parano chez les flics dans la street. On évite certains que gré, y'aurait du sperme dans les frites. Certains jouent le rôle de leur vie, comme dans les films. Ça joue les durs mais y'a pas de couilles dans les slips. On se méfie, vengeance d'une vie. Comme dans Slipper ou sur écoute, des pop parano. Défoncé comme dans Human Traffic. Garde le silence, frère, dis pas un mot. Parano comme un rital. On plante ce qu'on fume, près des parties génitales ou dans la sandale. Nos neurones se consument comme un cigare cubain. On finit par traiter tout le monde de putain. Le monde est stone comme Amy, Wine, Ous. Les petits ont des cutters dans les trousses. Ils foutent la frousse, hip hop paranoïa. Qu'est-ce que tu cherches au cœur d'une prune à part un noyau, hein? Trop jeune, toi qui as la tête dans les étoiles. Trop jeune, pour espérer demain mettre les voiles. La vie ne te laisse pas le choix, petit, prends soin de toi, garde l'espoir. C'est à toi de trouver ta voie, ne baisse jamais les bras pour ta victoire. De toute façon, on n'est pas soutenu du moins syndicalement. On s'en bat les couilles, on prend du sky comme médicament. On soit tout seul, et on se dépend tout seul. On a le seul lorsqu'on arrive, c'est en force et pas en douceur. J'écris des textes, bon sur mon exemple en tant qu'ancien chien. Je mets la patate dans le son pour faire péter les enceintes. Mais bon, je te déconseille, je respecte pas toujours les consignes. Sache que si tu nous testes, sur ton arrêt de mort. On signe tous dans la même merde, soit disant dans le même bateau. Ma bite faut porter ses couilles pour devenir matelot, c'est accablant. Non, non. Mais si je me fais péter, je préfère manger la gamelle que de me mettre à table. Désolé si je pète un câble, j'ai pas mauvais karma. J'ai juste un peu la haine parce que ce putain d'état nous carna. Putain d'état nous carna. Ce putain d'état nous carna. Trop jeune, toi qui as la tête dans les étoiles. Trop jeune pour espérer demain mettre les voiles. La vie ne te laisse pas le choix, petit, prends soin de toi, garde l'espoir. C'est à toi de trouver ta voie, ne baisse jamais les bras pour ta victoire. Trop jeune, toi qui as la tête dans les étoiles. Trop jeune pour espérer demain mettre les voiles. La vie ne te laisse pas le choix, petit, prends soin de toi, garde l'espoir. C'est à toi de trouver ta voie, ne baisse jamais les bras pour ta victoire.